partage. Vivi et moi, on refait le monde. On écoute les penseurs les plus obscurs, ceux qui vous arrachent des fous rires avec de ces phrases du turfu. Vivi, c'est ce que je ressens depuis l'enfance. On n'a pas fait les conneries ensemble, mais on est ensemble pour un mois durant. Il m'a dit de ne jamais nourrir de complexe. Il m'a dit tu sais si t'en chopes un, c'est dur de passer la vitesse. Les 10 heures de vagos, combien on a cramé de galop. Balle de golf sur le levier, cap sur Val-André. Il m'emmène loin, loin, loin. Il me ressuscite au bout du pays. On a acheté la machine, on a fait tourner la machine, on a fait venir les chills, à la part ça faisait tourner le tourbi. Speedrun, RPG Maker, like a pro, ça ne compte pas les heures, comme Isaac sur le serveur, je prends un pied phénoménal, à le faire part de ce que je ressens. Pour cette fille de Bretagne qui vit à deux pas de là. Il m'a dit c'est beau, mais ne te fais pas trop d'illusions. Vous n'en êtes pas au même niveau. Parfois c'est comme ça la vie, mon rôle. Parfois c'est comme ça la vie. L'aventure ça se paye, les espoirs ça se brise. Un pari ça se prend, un combat ça se mène même si on ne gagne jamais vraiment. Parfois c'est comme ça la vie, l'aventure ça se paye, les espoirs ça se brise. Le temps ça s'organise, on le perd trop souvent à rester près du vide. Une vie ça se prend en main, une étoile ça s'affirme ou ça fait de la lumière trop chimique. Qu'était l'alchimie? Parfois c'est comme ça la vie. Parfois c'est comme ça la vie. Parfois c'est comme ça la... Les 10 heures de vagos, combien on a cramé de galop. Balle de golf sur le levier, cap sur Val-André. Il m'emmène loin, loin, loin. Il me ressuscite au bout du pays. J'ai tellement de love pour mon meilleur.